Le verbe devoir, lorsqu'il est employé pour exprimer une contrainte à laquelle on est soumis, par opposition à une obligation morale, se dit Müssen. müssen. M-U umlaut, 2-S-E-N. Comment dit-on nous devons? Wir müssen. Wir müssen. Oui. Et nous devons le voir. Nous devons voir cela. Wir müssen es sehen. Sehen. Wir müssen es sehen. Oui. Il ou elle doivent le voir. Sie müssen es sehen. Sie müssen es sehen. Vous, vous que je vous vois, devez le voir. Sie müssen es sehen. Sie müssen es sehen. Oui, sie müssen es sehen. Et comment diriez-vous je dois? Je dois l'acheter. Ich muss es kaufen. Ich muss es kaufen. Il doit le faire? Er muss es tun. Réessayez. Er muss. Les verbes portementaux n'admettent pas de terminaison en T pour er, sie, es. Donc, il doit le faire, ça sera er. Er muss es tun. Oui, c'est er muss. Il n'y a pas de T. Dans le cas des verbes portementaux, on emploie la même forme pour je et il ou elle. Donc, je dois, ich muss. Et il doit, er muss. Il se passe la même chose avec le verbe portementau pouvoir. Ich kann, er kann. Et pour dire cela se peut, en allemand on dira littéralement cela peut être, c'est-à-dire es kann être sein. Es kann sein. Oui, et cela se pourrait, littéralement cela pourrait être, es. Es könnte sein. Bien, es könnte sein. Oui. Cela pourrait être possible, se dira. Es könnte möglich sein. C'est ça. Es könnte möglich sein. Ou bien, das könnte möglich sein. Cela pourrait être possible. Das könnte möglich sein. Mais il n'était pas possible de le faire. Aber. Aber. Il n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Es war nicht möglich. De le faire. Es zu tun. Bien. Aber es war nicht möglich, es zu tun. En effet, si un infinitif comme tun est associé à un nom ou un adjectif, on emploie zu. De même qu'en français on dit possible de le faire, en allemand on a es war nicht möglich, es zu tun. Car je n'avais pas le temps de le faire. Comment diriez-vous « car je n'avais pas le temps » Denn Denn ich hatte keine Zeit. Keine. Keine Zeit. De le faire Es zu tun. Bien. Denn ich hatte keine Zeit, es zu tun. Ou weil Parce que je n'avais pas le temps. Weil Weil Ich keine Zeit hatte es zu tun. Es zu tun. D'accord. Weil ich keine Zeit hatte, es zu tun. Et maintenant, comment diriez-vous cela doit être prêt maintenant? Es muss fertig. Ça se prononce fertig, même si on peut entendre dans certaines régions d'Allemagne fertig. Donc, cela doit être prêt maintenant. Es muss fertig. Es muss fertig jetzt sein. Bien, mais on dira plutôt Es muss jetzt fertig sein. Cela doit maintenant être prêt, en gardant ensemble fertig et sein, être prêt. Donc on a Es muss jetzt fertig sein. Comment dit-on déjà? Schon. Schon, oui, qui est très employé en allemand. On dira par exemple Ça doit être déjà prêt. Es muss schön fertig sein. Non, schön, cela veut dire beau, belle, mais déjà, c'est schon. Schon, avec un O, oui. Alors, ça doit être déjà prêt. Es muss schon fertig sein. Bien. Alors, reprenez la phrase en entier. Ça doit être déjà prêt. Es muss schon fertig sein. D'accord. Es muss schon fertig sein. Et ça ne peut pas être encore prêt? Es kann nicht. Pas encore. Es kann noch. Noch nichts. Nichts, cela signifie rien. Mais ici, on veut dire pas encore. Noch. Noch nicht fertig sein. Bien. Es kann noch nicht, pas encore, noch nicht fertig sein. Ça sera prêt demain. Es wird, oui, ça sera prêt demain. Fertig morgen sein, non. Et répondez d'abord à la question quand. La réponse est demain. Donc, ça sera prêt demain. Es wird morgen fertig sein. Bien, es wird morgen fertig sein.